Bonjour et merci d'être fidèle à l'histoire en vidéo. Alors, nous voyons que Chilpéric ne se remet pas finalement d'avoir perdu le Morgengabe. Et le Morgengabe, donc cette dot qu'il avait donnée à Glasvint au moment où il s'était marié avec elle, mais comme elle était morte, il considérait qu'il pouvait remettre la main dessus. Sauf que comme les Visigoths ainsi que Sigebert et les autres rois francs s'étaient rendus compte que cette mort était tout à fait artificielle, puisqu'il avait assassiné Glasvint, eh bien évidemment, il fallait qu'il rende le Morgengabe au roi des Visigoths, que c'était une compensation suffisante, alors même que d'ailleurs le premier procès intenté contre Chilpéric avait demandé à ce que Chilpéric soit détrôné. Donc, plutôt que d'être détrôné, ce procès-là, intenté d'ailleurs par Sigebert, sur les conseils de sa femme Brunehaut, qui était furieuse de voir sa sœur Glasvint se faire assassiner à si bon compte, eh bien, avait conduit à une sentence très défavorable à Chilpéric, puisque Chilpéric était censé être détrôné. Mais cette peine avait été commuée en amende, et cette amende, c'était qu'il fallait qu'il rende le Morgengabe au roi des Visigoths. Quitte à ce que le roi des Visigoths, évidemment, le transmette ensuite au fils de Sigebert et de Brunehaut, Childebert, qui était d'ailleurs à moitié visigothique. Donc tout serait rentré dans l'ordre. Évidemment, Chilpéric a refusé. Il rentre en guerre une première fois contre son frère Sigebert. À la tête de ses troupes se trouve d'ailleurs son fils Clovis, un général franc tout à fait charismatique qui s'allie d'ailleurs assez facilement les populations poitevines lorsqu'il rentre à Poitiers, mais qui est finalement défait par Sigebert, parce que Sigebert sur le champ de bataille est quand même très expérimenté. Puis, à nouveau, il y a un concile convoqué par Gontran. Il convoque à peu près tous les évêques qu'il peut, mais ce sont principalement des évêques bourguignons, très peu d'austrasiens, et très peu d'évêques du territoire, évidemment, de Chilpéric. Et évidemment, là, la sentence est plus défavorable aux intérêts austrasiens. Parce que Gontran essaye finalement de se rapprocher de Chilpéric, qu'il trouve trop affaibli à son goût, et qui voudrait pas voir trop affaibli, justement, pour maintenir l'unité du Regnum Francorum. Mais Sigebert commence à se méfier de Gontran, se montre assez menaçant, ce qui fait que Gontran préfère respecter une certaine neutralité dans les conflits ensuite qui éclatent à nouveau entre Chilpéric et Sigebert. Mais cette neutralité ne dure pas, puisque à nouveau en 575, il y a une nouvelle alliance militaire entre Gontran et Chilpéric. Et donc Chilpéric est finalement encouragé à essayer de reprendre finalement une partie de son Morgengabe. Et pour ça, il envisage d'annexer aussi une partie finalement de l'enclave austrasienne à l'ouest. Alors il envoie dans cette bataille-là, il envoie notamment Tibère, le fils aîné qu'il a eu avec sa femme Audevert, et Tibère doit défendre Paris. Mais son fils est tué sur les murs de la capitale par le général en chef des armées de Sigebert, Gontran de Bison. L'évêque de Paris, Germain, qui voit donc arriver les armées austrasiennes, prêtes à en découdre avec la population parisienne, s'interpose et dit: non, non, non, non, non, non, ne livrez pas Paris au pillage. Son argument est pragmatique et se résume dans ces mots: le fruit du pillage rapporte moins que le fruit de l'impôt. Nous savons que Paris était une ville en indivision, que le fruit de l'impôt était partagé à part égale entre les trois frères. Là, il suffisait simplement que Sigebert réclame la totalité de l'impôt, et en effet, il aurait pu se mettre rapidement de l'argent dans les caisses sans soumettre la ville au pillage. À Tournai, où Chilpéric est enfermé, parce que Chilpéric, finalement, tout en étant à la fois très agressif dans ses rapports avec ses frères et toujours très inquiet de sa vie, concernant la protection de sa propre vie, il s'est enfermé à Tournai, bien cadenassé, bien entouré de ses gardes, de sa garde rapprochée. Et à Tournai, Frédégonde accouche d'un petit Samson. Alors c'est d'une faible consolation pour Chilpéric qui vient d'apprendre que son fils Tibère est mort sur les murs de Paris. Et Sigebert, donc, nous apprenons, traverse la ville de Paris sans la livrer au pillage, grâce à l'intervention de l'évêque Saint-Germain d'Autun, et se dirige vers Tournai, qu'il s'apprête à assiéger. Mais c'est en arrivant au niveau de Vitry-en-Artois, que là, il se fait hisser sur le pavois, c'est-à-dire qu'il monte sur un bouclier, au cri de « Vive le roi d'Austrasie » et « Vive le roi de Neustrie ». Alors Neustrie, c'est le nom, en réalité, qu'adoptera plus tard, d'ailleurs, le fameux royaume de l'Ouest de Chilpéric. Et donc, dans ces hommes qui acclament le roi non seulement d'Austrasie, mais aussi le roi de Neustrie, au moment de cette cérémonie du pavois, eh bien, se trouvent des Neustriens, donc des partisans de Chilpéric, mais qui sont ralliés à la cause de Sigebert. C'est vrai que Sigebert a la dimension, un véritable charisme de roi, que n'a peut-être pas Chilpéric, qui est un personnage plus sombre, qui a plus de mal à se faire des amis, qui est assez cruel et froid. Donc, il est ici sur le pavois, et les hommes crient « Vive le roi d'Austrasie, vive le roi de Neustrie ». Eh bien, pour Grégoire de Tours, qui est un évêque, cette cérémonie expose en réalité Sigebert à la chute. Pourquoi? Parce que c'est une cérémonie païenne. C'est une cérémonie qui remonte à l'époque des Gaulois. En fait, un roi ne peut pas se proclamer roi, et encore moins par des barbares qui l'acclament au pied d'un bouclier. Un roi n'est droit que par la volonté divine. Et donc, ça ne manque pas, puisque quelques minutes plus tard, Sigebert est assassiné à coups de lardé de coups de couteau par des esclaves qui prennent la fuite. Et alors, c'est une fin tragique, mais le siège, donc il n'y a pas de siège de Tournai, et Chilpéric, apprenant la mort de son frère, sort de Tournai et décide d'enterrer son frère en grande pompe, oubliant d'ailleurs tout le mal qu'il a pu lui faire. Et il va jusqu'à Soissons, qui appartenait au territoire de Sigebert, mais il en profite justement, Chilpéric en profite justement pour récupérer la ville de Soissons et la réintégrer à ses terres de Neustrie. Et il enterre son frère à côté de son père Clotaire dans la cathédrale de Soissons. Ces deux tombes jouxtent d'ailleurs celle du célèbre évêque qui a marié Radegonde et Clotaire, qui est Saint-Médard. Et ça se passe donc dans l'église Saint-Médard à Soissons. Alors Brunehaut, elle, se retrouve sans mari et à Paris. À Paris, elle est transférée, Paris récupérée par les hommes de Chilpéric. Donc de Paris, elle est transférée à Rouen, où elle est assignée à résidence. Sous la surveillance d'ailleurs de l'évêque Prétextat, évêque de Rouen. Ses filles sont toutes envoyées au couvent, et le fils de Brunehaut et de Sigebert, Childebert, âgé de 5 ans, est emporté par les anciens partisans de Sigebert, et à Metz est hissé sur le trône d'Austrasie, avec pour régent le grand du royaume, Loup de Champagne. La suite dans la prochaine vidéo.